les boomers et me faire connaître dans tout le secteur. Si tu me connais pas, t'as qu'à écouter les griffes de l'under. Je m'associe toujours au mal car c'est la mélodie de la peur. Mais qu'est-ce que j'entends? C'est les battements de vos cœurs. Appelle-moi Freddy Krueger parce qu'à vrai dire je n'ai pas de cœur, mais plutôt de la rancœur envers ces soi-disant rappeurs qui ont fait de cet art une vraie saloperie. Au fait, je l'ai pas dit. Je suis pas là en armée. Je resterai votre pire ennemi jusqu'à la descendance de vos petits. Je vais hanter vos sales esprits du matin jusqu'à la nuit. Je veillerai en sorte à ce qu'il n'y ait plus de faux MC, car je leur ferai la peau comme à cette garce. Comme tu peux le voir, je suis loin d'être gentil. J'ai jamais fait confiance et c'est pas aujourd'hui. Quand je vois toutes ces conneries, je me dis qu'il est grand temps de calmer tous ces bouffons et de péter. Écoute le son des bafons blindeurs. Y'a pas de contrefaçon. C'est du machine croqueur. C'est du rap bestial, anticommercial. Ça sent des entrailles, même si passionné de rap. Écoute le son des bafons blindeurs. Y'a pas de contrefaçon. C'est du machine croqueur. C'est du rap bestial, anticommercial. Ça sent des entrailles, même si passionné de rap. Si tu le connais pas, c'est qui t'a déjà tué. Dans tes rêves te hanter avant de t'éventrer. On m'a trop disjoncté, les plans ont disjoncté. Pour ma manière, avec effet secondaire. Écoutez bien mes confrères, bouillants comme les flammes de l'enfer. Pas la peine de crier, faut savoir taire. Si t'es pas d'accord, je sais le faire avec un peu de flair et des lames de fer posées sur tes paupières. Détecteur de chair fraîche, nos limites, la vengeance mange fraîche. Ainsi ma procédure, ça succombe à la torture, aux blessures, tôt ou tard. La mort, c'est sûr, ça assure, sans censure. Moi je t'assure un poisson hardcore pour les griffes de l'under. Pour les faux rappeurs, je me transforme en barbeur. Au pire, il reste Kruger, annonce et décès dans l'heure. Pas de cri, on agit avec vigueur. On agit avec vigueur. Écoute le son des bafons blindeurs. Y'a pas de contrefaçon. C'est du machine croqueur. C'est du rap bestial, anticommercial. Ça sent des entrailles, même si passionné de rap. Écoute le son des bafons blindeurs. Y'a pas de contrefaçon. C'est du machine croqueur. C'est du rap bestial, anticommercial. Ça sent des entrailles, même si passionné de rap. Putain de merde, ça fait que 3 piges que je suis dans ce biz. Et je m'aperçois que des pourris envahissent l'industrie du disque. Ils disent connaître la vie, c'est vice. Le trafic et ses risques et les destins de fées qui sévissent. Je sais fils, y'a autant de mythos parmi les MC que de bonne musique qui passe sur M6. Et le pire c'est que sur leur saleté beaucoup zandinent. Parce que dans leur clip ils ont un brolic planqué dans le jean. Parce qu'ils disent des sales rimes sur une bonne mélodie. Qu'ils se prennent pour des bandits alors le public applaudit. Moi je dis faut stopper toutes ces conneries. Alors j'enfile mon costume de vampire au 12 coups de minuit. Ce soir je milite et m'initie à la chasse et téménique. Je m'invite sur le beat aux côtés de Freddy. Je vais pas jouer le timide, je compte arracher des cœurs. Après avoir entendu ce titre, écoutez les griffes de l'under. Écoute le son des bafons blindeurs. Y'a pas de contrefaçon. C'est du machine croqueur. C'est du rap bestial, anticommercial.